XIV, le portrait. Voilà, depuis 12 ans qu'elle est morte, la première fois que je revois son portrait. » Et il ôta son bonnet de velours avec un respect douloureux, qui disait de quel amour il avait aimé cette femme aux yeux noirs, au front lisse et satiné, où flottaient les cheveux bruns les plus beaux que ses pinceaux eussent jamais essayé de peindre. « Oui, c'est vrai, » reprit-il avec le profond soupir, qui suit une surprise saisissante, et qui ressemble à un sanglot. « C'est elle dans ce portrait fait par moi, au milieu d'un jardin, où elle daignait venir ravager toutes mes roses. J'en prenais tant de soins depuis qu'elle en avait touché des arbustes que j'en oubliais ma peinture. « Je me souviens de tout maintenant, mon oncle, » dit Ondine, frappée de souvenirs. « Ce sont ces fleurs-là, n'est-ce pas, qu'on appelait Rose Marianne ?»« Allons, voilà le nom tout entier, » s'écria le peintre qui tressaillit. Il regarda sa nièce avec un mélange de reproche et de bonté triste. « Le nom aussi, mon Dieu, puisque vous le voulez, il est juste que tout me frappe à la fois. » Pour lors, M. Léonard pleura franchement. « Ce n'est pas ma faute, » poursuivit-il en regardant le portrait avec une douleur avide. « Vous êtes témoin, Ondine, que ce n'est pas ma faute. Je cache cette belle ombre. J'y laisse tomber la poussière du temps. Je passe et repasse auprès sans jamais y toucher. Je fais semblant que ce portrait n'est plus là, comme si je l'avais perdu aussi. Mais si on le prenait... Je sentirais bien son absence. Elle m'a pourtant fait un terrible mal, cette douce femme assise. Ah, c'est que belle et tendre et vraie et tout ce qu'une femme peut être pour être bien. Elle ressemblait pourtant un peu à votre sœur. Et moi, je n'étais pas saint preux. Elle en a choisi un autre qui ne lui ressemblait pas non plus, hélas. Le moins du monde, mais silence. Je n'ai été que trop vengé. Elle a été si malheureuse. Vous pleurez, ma pauvre Ondine. Cette fois, je vous en remercie, car c'est pour elle. Et si vous ne pleuriez pas, j'étoufferais peut-être. Après avoir tenu le beau portrait contre lui-même, avant de s'en séparer encore, pour longtemps sans doute, il le replaça en faisant signe à sa nièce de n'en plus parler davantage. Le front pâle de son oncle et cette commotion qu'il recevait visible firent plus rêver Ondine que lui donner le courage de rien dire. Le festin de l'atelier était froid, l'appétit du peintre fermé comme ses lèvres. Ondine allait, venait, attendait et disait « C'est donc bien vrai qu'il faut aimer une fois ou mourir. Mais d'où vient qu'il y a des êtres pour lesquels aimer est une maladie douloureuse, quand c'est pour d'autres le bonheur et la vie ?» Monsieur Léonard s'était assis en silence. Il semblait que l'air flottant dans l'atelier fût composé de rêves et de réflexions d'amour. Car ce qu'une enfant pensait à 20 pas de lui se soulevait en même temps au fond de sa mémoire. Et tandis que sa nièce réparait le désordre, sans parler, il était là, comme enseveli, sous ses mains, absorbé, insensible et sourd à tout ce qui se passait autour de sa vie. Ondine parfois toussait doucement pour amener au moins l'entretien des regards, et tournait autour de lui comme une poule inquiète. Mais n'obtenant rien de ses timides efforts, elle se hasarda et posa sa main sur l'épaule de son oncle immobile. « Laissez-moi peindre, je vous en prie, Ondine. Si vous voyez ce que je compose en ce moment, il ne serait bientôt plus question de Raphaël. Oh, laissez-moi peindre. Je regarde là tout ce qu'il m'eût fallu pour être heureux. C'était difficile à rencontrer dans le monde. Il ne faut pas une femme orageuse à l'artiste solitaire. Si elle brille, que ce soit comme une étoile dans sa nuit. » Il ne lui faut pas une femme qui gronde, pas une qui raisonne, pas une qui regarde par la fenêtre de l'atelier ce qui se passe dans la rue. Il lui faut la Vierge Assise d'Albert Dürer, ou Marianne, hélas, qui était tout ce qu'il y a sous le ciel de beau, de bon, pour l'artiste rêveur du bien et du beau, avec cet œil velouté qui passe sur toutes les douleurs, pour les caresser et les comprendre. Car ne me parlez pas de mariage autrement. Mais ce que je revois là, ce que je crée lumineux, vivant, immortel, ce tableau, mon Dieu, est trop beau pour la terre, et voilà ce qui m'empêchera de l'exécuter pour d'autres que pour moi. Je le garderai là en portefeuille, ajouta-t-il, en passant la main sur son cœur. Ainsi, je vous en prie, laissez-moi. Ondine glissa devant le portrait de Raphaël et le regarda d'un air dolent, comme s'il éprouvait quelque chose, et qu'elle lui eût dit « Mon oncle a aimé aussi, lui, et vous ?» Puis elle monta sans bruit chez Élisabeth, laissant son vieil ami peintre et songer dans l'ombre. Après avoir aidé à quelques soins de ménage, qui tranquillisent toujours un peu le cœur d'une jeune fille, elle aperçut par la fenêtre ouverte M. Léonard qui marchait, rêveur, dans les décombres du couvent, et cueillait au grand soleil des plantes gracieuses et humbles qui croissaient là entre les pierres amoncelées. Il fut tout à coup bruyamment interrompu par la nuée de petits garçons qui sortaient d'une école, autre cellule tremblotante de cette solitude de la chaussée d'Antin. Ils poussèrent tous ensemble un cri de liberté si aigre et si puissant que les doux et tristes rêves du peintre s'enfuirent épouvantés. Il attrapa au vol une de ses fanfares vivantes par les deux bras étendus et voulut lui faire peur aussi, mais l'enfant tourna vers lui un visage si rose, si pur, si insolent de joie et d'insouciance, une de ces têtes que Rubens eût cherchées si loin pour un modèle d'ange, que M. Léonard lui frotta doucement le nez avec les frêles fleurs qu'il tenait aux mains et qu'il les lui donna avec la liberté. « Tiens, gros papillon, dis à ta mère que si elle veut ton portrait, elle l'aura de la main de M. Léonard, qui demeure là. » L'enfant dit oui et adieu en même temps, puis se sauva avec ses fleurs, reprendre sa partie aiguë dans le cœur sauvage des petits prolétaires.